s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 9. Se libérer du progrès, ne pas faire un procès à l'humanité. Je déteste les conférences. Elles me rappellent les années que j'ai perdues à essayer de convaincre les gens de faire de bonnes actions pour de mauvaises raisons. Je pensais être pragmatique alors que je craignais tout simplement d'être insignifiant. Ainsi, quelques années passées à éviter avec plaisir les salles de conférence, je n'étais pas très enthousiaste d'avoir été invité à passer 4 jours au Danemark pour discuter de l'effondrement sociétal avec 80 personnes. Mais comme j'étais devenue, bon gré mal gré, une « entre guillemets tête d'affiche » dans le domaine de la collapsologie, j'ai décidé de faire une exception. Fait inhabituel, les discours inauguraux ne m'ont pas fait détester les organisateurs-organisatrices. Une oratrice en particulier a attiré mon attention. Lila June, universitaire et militante autochtone de la nation dinée de l'Amérique du Nord actuelle, partageait les résultats de ses études doctorales sur les systèmes alimentaires régénératifs autochtones. Je cite « Mon peuple n'était pas aussi cool dès le début. Nous avons dû apprendre à la dure, en souffrant après avoir endommagé notre environnement et en découvrant comment rétablir une relation positive avec la nature. » Fin de citation. Lila a montré que pendant des milliers d'années, les peuples amérindiens ont jardiné la terre, augmentant la biodiversité de leur terre au rythme des saisons, tout en s'assurant une nourriture abondante et saine. Cette histoire contrastait avec le récit bien ancré selon lequel les Amérindiens étaient essentiellement des peuples nomades qui avaient appauvri la nature en chassant trop d'animaux sauvages. Elle jetait aussi un éclairage différent sur l'humanité en général, démontrant que nous pouvions jouer un rôle bénéfique plutôt que destructeur au sein de la nature. Sa présentation m'a interpellée, car je me sentais mal à l'aise face à la négativité croissante des écologistes quant à notre rôle sur Terre. Il est vrai qu'au cours des derniers siècles, l'humanité s'est rendue responsable d'une extinction de masse et de la disparition de 80% des animaux sauvages de la planète. Chapitre 4. Cela a conduit certaines personnes à conclure que ce comportement destructeur est inévitable pour nous, ou pour toute autre espèce ayant accès à une ressource abondante et non renouvelable. Mes propres études dans un domaine connexe m'amenaient à remettre en question cette perspective et la présentation de Lila m'a incité à approfondir la question. Un thème transversal a émergé, une compréhension différente de notre place sur Terre qui nous permet de nous éloigner du récit selon lequel notre espèce est engagée sur un chemin linéaire menant des cavernes aux étoiles. Cette idée du progrès humain est née au cours d'une période de l'histoire des idées qu'on appelle les Lumières et se trouve au cœur du paradigme de la modernité dans lequel nous vivons aujourd'hui. Selon ce dernier, les cultures humaines du passé sont toutes moins intelligentes que la nôtre et les progrès de la connaissance, de la science et de la technologie ont toujours un impact positif. Le progrès matériel est perçu comme une plus grande maîtrise du monde naturel par l'être humain qui, parce qu'elle est considérée comme bénéfique, est appelée à se poursuivre. En effet, dans un étrange retournement de situation étant donné l'accent mis sur la rationalité pure dans la modernité, le progrès technologique est même supposé être le destin de l'humanité. Cette hypothèse nous aide à remarquer comment le progrès est devenu une sorte de « entre guillemets religion civile » avec ses grands prêtres, les tech bros, et ses hérétiques à persécuter, quiconque soulignant les échecs de la science ou l'effondrement de la modernité. L'idée de progrès est tellement omniprésente qu'il m'a fallu un certain temps pour trouver et assimiler les études existantes qui ne s'inscrivaient pas dans cette perspective. Quand ce fut fait, j'y ai gagné un regard nouveau sur l'avenir et un panorama intellectuel plus étendu. Des études récentes montrent que les communautés anciennes n'ont pas soudainement découvert l'agriculture et de ce fait changé pour toujours, contrairement à ce que présuppose le point de vue habituel de l'archéologie favorable au progrès. Bien au contraire, les sociétés anciennes ont fluctué entre différents arrangements sociétaux, expérimentant avec la vie sédentaire, la spécialisation des travailleurs-travailleuses et la hiérarchie, avant de vivre de manière plus dépendante de la chasse et de la cueillette. Des découvertes assez récentes de constructions complexes extrêmement anciennes, datant d'environ 12 000 ans, remettent également en question la vision orthodoxe de simples chasseurs-cueilleurs et chasseuses-cueilleuses évoluant vers l'agriculture, la spécialisation, la vie urbaine, etc. Certains des peuples qui vivaient il y a 12 000 ans ou plus devaient plutôt posséder des formes sophistiquées de connaissances et de technologies. Le fait que la taille du cerveau humain ait diminué de manière significative au cours des 3000 dernières années seulement, après avoir augmenté pendant des millions d'années auparavant, ne cadre pas non plus avec la perspective selon laquelle l'être humain moderne est l'expression la plus intelligente des singes bipèdes. Il en va de même pour l'analyse de la manière dont les humains ont surutilisé l'hémisphère gauche de leur cerveau, au détriment de leurs capacités cognitives les plus complètes. Tous ces phénomènes sont peut-être liés par des liens de causalité. Et c'est peut-être la dégradation de nos capacités de sagesse et de connexion qui nous a amenés à croire que nous voyions le progrès tout autour de nous, malgré les dommages causés. Ce préjugé du progrès fait que les données et les théories qui ne soutiennent pas l'idée d'un progrès continu de l'espèce humaine n'ont pas été accueillies avec enthousiasme par les administrateurs-administratrices du consensus dans les disciplines savantes concernées. Dans ce chapitre, je mettrai de côté le présupposé du progrès, qui est au cœur du paradigme et des systèmes de la modernité impériale. Conséquence de ce paradigme, les chercheurs et chercheuses et le grand public ont ignoré tout ce qui ne correspondait pas à l'histoire du progrès matériel linéaire et dénigré quiconque évoquant ces idées. En sortant de ce cadre, nous pouvons examiner sans idée préconçue les preuves qui contredisent la théorie selon laquelle l'humanité serait intrinsèquement destructrice de l'environnement. Ce chapitre montrera que ce n'est pas la nature humaine, mais des événements et des forces historiques spécifiques qui sont responsables de la manière dont l'histoire de l'humanité a été façonnée, produisant la situation inextricable à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Quiconque défend le point de vue philosophique selon lequel l'être humain doit être contrôlé pour son propre bien doit ignorer de nombreuses preuves du contraire. Cela nous ramène, avec un regard neuf, à des questions fondamentales sur la nature humaine et la liberté. Sont-elles bonnes ou mauvaises? Compte tenu de la situation si difficile dans laquelle se trouve le monde, une telle réflexion philosophique pourrait bientôt sembler superflue. Cependant, sans cette nouvelle ouverture à une vision post-progrès de la réalité, notre compréhension de ce qui a mal tourné se trouvera entravée. De plus, nous risquons d'être inutiles voire nuisibles dans nos efforts pour réduire les dégâts à l'avenir, sans même parler d'avoir un rôle régénérateur. Reconnaître les cultures clés. Lila a ensuite décrit dans son exposé le rôle potentiel de l'humanité en tant qu'espèce clé bénéfique. Tout arc s'effondre si la clé de voûte au sommet n'est pas parfaitement formée. De même, dans une communauté écologique, certaines espèces sont essentielles à la survie de l'ensemble de l'écosystème. Le concept d'espèce clé a été inventé dans les années 1960 par l'écologiste états-unien Robert Payne, 1933-2016. Il a mené une expérience simple. Il a prélevé toutes les étoiles de mer ocre sur les rochers d'une bande de 8 mètres de littoral dans la baie de Maka, dans l'état de Washington, et les a jetées à la mer, tout en laissant celles présentes sur une zone voisine comme point de comparaison. L'expérience a révélé que les étoiles de mer maintenaient l'équilibre de l'ensemble de l'écosystème des bassins de marée. Après que Payne a retiré les étoiles de mer, l'étendue des rochers qui abritaient auparavant une communauté florissante de moules, de baleines, d'escargots, de patelles, d'anémones et d'algues s'est transformée de manière méconnaissable. En l'absence du prédateur qui s'en nourrissait, les populations de balanes puis de moules se sont multipliées, évinçant les autres espèces. En l'espace d'un an, la biodiversité de la vasière a été réduite de moitié, se transformant en une monoculture de moules. Ce phénomène n'était pas présent dans les zones où Payne avait laissé les étoiles de mer tranquilles. Des dynamiques comparables ont ensuite été démontrées pour les espèces clés dans d'autres écosystèmes marins, terrestres et d'eau douce. Le concept a ainsi changé notre façon de penser la conservation. Comme la plupart des clés de voûte identifiées étaient des prédateurs situés au sommet de la chaîne alimentaire, ce sont notamment nos attitudes à l'égard des prédateurs qui ont évolué. La réintroduction des loups dans le parc national du Yellowstone est une illustration bien connue de ce changement. Auparavant, les loups avaient parcouru le Yellowstone pendant des milliers d'années, mais à la fin des années 1920, la dernière meute a été exterminée par les employés du parc dans le cadre d'une politique délibérée d'élimination de tous les prédateurs, considérés à l'époque comme des animaux nuisibles. Avec la perte de leur principal prédateur, la population de wapiti du Yellowstone a explosé, surpâturant les sols et les trembles. Sans ces arbres, les castors ne pouvaient plus construire leurs barrages. Sans ces barrages, de nombreuses espèces d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux chanteurs et d'insectes ont été décimées. Les marais se sont transformés en ruisseaux, les berges se sont érodées et les rivières sont devenues trop chaudes pour les poissons d'eau froide. Sur Terre, les coyotes ont proliféré, réduisant le nombre d'antilopes, de renards roux et d'autres petits mammifères. Pendant des décennies, le service des parcs a tenté de contrôler la population de wapiti avec un succès limité, sans parvenir à améliorer la santé globale de l'écosystème. Lorsque les loups ont été réintroduits dans les années 1990, les populations de wapiti et de coyotes ont diminué, les arbres ont repoussé, les berges des rivières se sont stabilisées et les oiseaux sont revenus en même temps que les castors et les renards. Les carcasses laissées derrière eux par les loups ont également fourni de la nourriture à d'autres super-prédateurs tels que les grizzlies, les cougars et les aigles, contribuant ainsi à leur rétablissement. Le concept d'espèce clé et la réintroduction réussie des loups à Yellowstone ont montré que la protection des espèces qui ont une influence considérable sur l'ensemble de l'écosystème pouvait générer d'énormes avantages en matière de conservation. Cela a également soulevé des questions sur notre propre rôle dans les écosystèmes par rapport à d'autres espèces. Après tout, c'est Payne qui a retiré les étoiles de mer des mares résiduelles, permettant ainsi aux moules de prendre le dessus. Et ce sont les employés du service des parcs qui ont d'abord éradiqué puis réintroduit le loup à Yellowstone. Mais les travaux initiaux de Payne sur les espèces clés n'ont pas tenu compte des humains. Pour remédier à cette omission, il a inventé en 2016 un nouveau terme, celui d'espèce hyperclé pour les humains, qui reconnaît la façon dont nous affectons d'autres clés de voûte. Cependant, en tant qu'espèce clé, c'est un arc de destruction que l'humanité moderne a maintenu en place. Les êtres humains actuels ne représentent qu'environ 0,01% de l'ensemble des êtres vivants. Mais depuis l'aube de la civilisation, nous nous sommes rendus responsables de la disparition de plus de 80% des mammifères sauvages et de la moitié des plantes. Je connais de nombreux et nombreuses écologistes et environnementalistes qui, compte tenu de notre impact, partagent une vision quelque peu misanthrope de notre espèce. Ils considèrent que l'humanité est intrinsèquement nuisible à l'environnement. En tant qu'êtres humains modernes, nous avons été culturellement prédisposés à nous considérer comme séparés de la nature et fondamentalement différents et différentes des autres espèces. L'idée de, entre guillemets, « contrée sauvage » est une notion idéaliste de la nature, libre de toute interférence, qui illustre elle-même cet éloignement. Cette séparation perçue peut nous enfermer dans une vision dualiste de nos interactions avec la nature, comme si nous n'avions que deux choix, rester à l'écart et la sauver, ou l'exploiter et la détruire. Mais il s'agit là d'une vision étroite des relations possibles entre les humains et les écosystèmes. qui ne tient pas compte de la grande diversité des interactions entre notre espèce et l'environnement. En effet, un examen plus approfondi des interactions entre l'humanité et la nature révèle un récit clé bien différent. Il existe de plus en plus de preuves de la forte influence de l'humanité sur l'évolution positive de la biodiversité à l'échelle de plusieurs millénaires. Au cours des dernières décennies, la recherche moderne en biologie, en archéologie et en anthropologie a révélé que divers endroits des Amériques, de l'Australie et d'ailleurs, autrefois considérés par les colonisateurs européens comme des régions sauvages, ont été fortement influencés par les populations indigènes. Ces peuples étaient profondément ancrés dans les écosystèmes qu'ils ont maintenus pendant des millénaires dans un état d'équilibre, participant même parfois à un enrichissement de la biodiversité. C'est le cas de l'Amazonie, qui abrite près d'un tiers des espèces de la planète et qui est considérée comme l'une des dernières régions sauvages. Nous savons aujourd'hui qu'elle a été fortement altérée par l'être humain qui cultivait 138 espèces végétales dans la forêt, dont ce que nous appelons aujourd'hui la fève de cacao et la noix du Brésil, et qu'il a soigneusement cultivé les sols pendant plus de 8000 ans. L'écosystème amazonien ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans les interventions humaines. Un autre exemple d'interdépendance entre l'humanité et son environnement est l'interaction, vieille de 7000 ans, entre les chasseurs et chasseuses, cueilleurs et cueilleuses, connus sous le nom d'Aléout, et l'écosystème de l'île de Sanak, au large de la côte méridionale de l'Alaska. On a constaté que les Aléoutes alternaient leurs sources de nourriture en fonction du temps, de la saison et de la disponibilité de différents gibiers, consommant le surplus et jouant ainsi un rôle stabilisateur important dans l'écosystème. En outre, les chercheurs et chercheuses n'ont trouvé aucune preuve que la prédation des Aléoutes a entraîné l'extinction d'une quelconque espèce au cours des milliers d'années pendant lesquelles ce peuple a vécu sur l'île, contrairement à l'industrie moderne de la pêche. En réponse à l'épuisement des stocks de poissons par cette industrie, les institutions de régulation imposent désormais des restrictions à tout le monde, y compris aux peuples autochtones actuels. Les écologistes ont découvert que cet effet équilibrant était une caractéristique tout à fait normale de l'être humain et des autres grands omnivores. Contrairement à des espèces clés parmi les carnivores et les grands herbivores, leur adaptation biologique conduit les omnivores clés à passer d'une source de nourriture à une autre, ce qui contribue à maintenir la résilience des chaînes alimentaires et à transporter des graines dans leur tube digestif vers de nouvelles régions. Parce que de nombreux autres grands omnivores ont disparu depuis longtemps, les chasseurs-cueilleurs et chasseuses-cueilleuses ont joué ce rôle jusqu'à une date récente dans la vie des écosystèmes et leur disparition est donc préjudiciable à ces derniers. Contrairement aux idées occidentales bien ancrées sur les régions sauvages intactes, qui considèrent notre présence dans la nature comme un danger pour les autres formes de vie, les peuples autochtones ont généralement tendance à considérer leur participation aux écosystèmes comme bénéfique, voire nécessaire, à la santé globale du lieu. Ce point de vue complète la façon dont ils se considèrent comme faisant partie du monde naturel, vivant dans une relation spirituelle et matérielle avec lui. Par exemple, d'innombrables générations de peuples autochtones de Californie ont géré leurs espèces végétales favorites dans leur territoire en chassant selon des schémas soigneusement élaborés et en pratiquant toute une série de techniques horticoles telles que la taille, le régime de taillis, le herçage, l'ensemencement, le désherbage, le creusage, l'éclaircissage et la cueillette sélective. Ils brûlaient aussi régulièrement des parcelles de végétation, créant ainsi un meilleur habitat pour le gibier et minimisant le risque de grands incendies. Ces pratiques ont été abandonnées ou gravement modifiées avec l'avancée de la colonisation et les aînés autochtones de Californie ont attribué la disparition simultanée de plantes et d'animaux à l'arrêt de l'interaction humaine avec eux. L'effet de la rupture de ce lien est parfois dramatique. En Australie, lorsque les groupes de cueilleurs-cueilleuses nomades ont abandonné le désert entre les années 1950 et 1970 pour s'installer dans des missions et des stations pastorales en bordure du désert, 10 à 20 espèces indigènes ont disparu, 43 ont connu un déclin marqué et le paysage s'est trouvé largement transformé par des feux de foudre massifs. La taille moyenne des incendies est passée de 64 hectares en 1953, lorsque les cueilleurs et cueilleuses autochtones étaient présentes, à plus de 52 000 hectares en 1984, après leur départ. Cela prouve que les espèces non humaines développent parfois des adaptations écologiques à la présence décisive à long terme de l'Homo sapiens. Nous avons littéralement été une force cruciale dans l'évolution de la nature sauvage pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Lila June a présenté une série d'exemples lors de son intervention à la conférence, nous révélant à quel point les efforts des peuples autochtones pour jardiner leur environnement ont été intentionnels. Par exemple, les nations Salish de la côte pacifique du Canada ont pratiqué diverses formes de jardinage sauvage à l'intérieur des terres et dans les zones humides. Elles ont amélioré l'habitat des poissons en plantant des forêts de varech dans la mer pour aider les harengs à pondre leurs œufs. Ces œufs, et le hareng lui-même, servent de nourriture à d'autres espèces, notamment l'ours, le saumon et les oiseaux. Par conséquent, l'écosystème est devenu plus abondant et a fourni plus de nourriture au peuple Salish. Comme d'autres peuples autochtones, les nations Salish ont intentionnellement créé des conditions favorables pour les bisons et autres herbivores en brûlant périodiquement les forêts et les prairies. Parlant de son propre héritage d'iné Navajo et Tsetsehestaheze Cheyenne, Lila a fait remarquer que, je cite, « beaucoup de gens pensent que nous avons suivi les bisons, alors qu'en fait, les bisons ont suivi nos feux qui ont nourri et entretenu les prairies. » Fin de citation. Les Européens envahisseurs et colonisateurs considéraient ces paysages jardinés comme des contrées sauvages, plutôt que, comme le dit Lila, des héritages vivants créés au fil des milliers d'années. Si telle avait été l'histoire de mes ancêtres, je pense que je serais en colère contre l'ignorance arrogante et le caractère destructeur des cultures européennes. Après tout, c'est un phénomène qui se poursuit aujourd'hui, après des siècles de génocide à l'encontre des peuples autochtones. Mais Lila a parlé avec générosité et positivité. Je cite. Contrairement au mythe de l'Indien primitif, entre guillemets, nous n'étions pas des observateurs passifs et observatrices passives de la nature, ni des bandes de nomades errant à la recherche d'une baie à manger ou d'un cerf à chasser. Pendant des dizaines de milliers d'années, nous, les autochtones, avons aménagé de magnifiques jardins tout autour de nous. Nous sommes devenus ce que le monde appelle une espèce clé. Quant à nos cultures, elles sont devenues des cultures clés. Fin de citation. Certains chercheurs et certaines chercheuses sur les sociétés anciennes sont en train de rattraper leur retard vis-à-vis de cette perspective divergente sur les formes avancées de connaissances et d'organisation sociale. Rassemblant les recherches les plus récentes dans les pages de leurs livres, David Graeber et David Wengrow affirment que de nombreuses sociétés anciennes pratiquaient ce qu'ils appellent le dualisme saisonnier, c'est-à-dire qu'elles modifiaient entièrement leur structure sociale et leur mode de subsistance d'une saison à l'autre. Ils expliquent que cela réfute, je cite, « les efforts plus récents pour classer les chasseurs-cueilleurs et les chasseuses-cueilleuses selon leur niveau de complexité. Que faire quand des populations présentent de nombreux traits typiquement considérés comme complexes ? La territorialité, les hiérarchies sociales, l'opulence matérielle, l'apparente compétitivité, mais seulement à certaines périodes de l'année, tandis qu'elle les évacue totalement à d'autres. » Fin de citation. Les parallèles qu'ils établissent avec les peuples autochtones contemporains sont frappants. Ils en concluent que les sociétés anciennes avaient, je cite, « des arrangements écologiques fluides, mêlant horticulture, agriculture de décrue près des lacs ou des sources, gestion des sols à petite échelle, au moyen du brûlis, de l'élagage ou de l'aménagement en terrasse par exemple, et élevage d'animaux à l'état semi-sauvage, le tout combiné à un large éventail de pratiques de chasse, de pêche et de cueillette. Ces arrangements se sont maintenus pendant des milliers d'années et ont fait vivre de vastes populations. Fin de citation. Ils expliquent cette flexibilité dans les formes de subsistance par le fait qu'elle permettait aux gens d'être libres, de sorte que leur alimentation n'était pas menacée par d'éventuelles mauvaises récoltes. L'écologie de la liberté, entre guillemets, est le terme qu'ils utilisent pour décrire, je cite, « la propension des humains à pratiquer l'agriculture par intermittence et en toute liberté, à jouer au fermier sans le devenir pleinement, à faire pousser des graines ou élever des animaux sans sacrifier une trop grande part de leur existence aux rigueurs logistiques de l'agriculture, à maintenir un réseau trophique suffisamment étendu pour que cultiver la terre ne soit pas une question de vie ou de mort. » C'est exactement la forme de souplesse écologique que les récits conventionnels de l'histoire du monde tendent à occulter, faisant de l'acte de planter la première graine une sorte de point de non-retour. Fin de citation. Reconnaître notre propre indigénéité. Nous autres occidentaux-occidentales sommes souvent accusés de romantiser les cultures autochtones ou anciennes et de négliger les inconvénients et les contradictions des cultures et des modes de vie non modernes. De telles critiques mènent à caractériser de manière abusive toute perspective appréciative des cultures anciennes et autochtones comme une approbation absolutiste de tout ce qui s'est produit dans ces cultures. Ces critiques tendent à ignorer les preuves des relations symbiotiques entretenues par les cultures autochtones ou anciennes avec la nature, pour mieux mettre en avant des exemples de leurs effets destructeurs sur leur environnement. Par exemple, la disparition de la mégafaune africaine, eurasienne et américaine sur une période de milliers d'années ou la déforestation à l'âge de pierre sont censés prouver que c'est l'humanité en tant que telle qui est nuisible à l'environnement plutôt qu'une culture particulière. Pour ce faire, les critiques doivent ignorer de nombreuses preuves du contraire, dont je ne mentionne qu'une partie dans ce chapitre. Ils et elles le font pour s'accrocher au récit du progrès des sociétés modernes, selon lequel nous devons devenir plus civilisés et plus modernes afin de protéger la planète. Ce point de vue incarne une hypothèse misanthropique selon laquelle les humains sont intrinsèquement mauvais pour la nature et que ce n'est qu'en utilisant héroïquement la technologie et le contrôle social que la nature et notre espèce auront de meilleures chances de se perpétuer. Mais cette perspective ignore les causes réelles de notre situation inextricable tout en encourageant l'ego du sauveur moderne. L'avenir de l'humanité et de la vie sur Terre n'est pas menacé par des personnes qui romantisent à l'excès les cultures passées ou autochtones, mais par celles et ceux qui défendent l'idéologie des institutions dominantes, supervisant l'écocide mondial. Le fait que les peuples autochtones vivent aujourd'hui sur des terres où se concentre 80% de la biodiversité restante de la planète, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population mondiale, peut inviter à l'humilité, au respect, à la curiosité et à la solidarité. Avec un peu plus de respect et de curiosité, nous pouvons alors apprendre des traditions orales de ces cultures qui comprennent des histoires d'erreurs passées qui ont conduit à des revers majeurs ou à des effondrements, avant de restaurer une relation juste avec le monde naturel. Comme l'a dit Lila, « mon peuple n'a pas toujours été aussi cool ». Nous n'avons pas besoin de considérer comme, entre guillemets, exotiques les cultures des peuples autochtones vivant dans des environnements étrangers aux nôtres. En tant que Britannique, je reconnais aujourd'hui que les traditions de sagesse écologique présentes au Royaume-Uni et en Europe peuvent être des sources d'inspiration. Pour renouer avec cette sagesse, il faut notamment reconnaître les préjugés des sociétés modernes à l'égard des sagesses et des spiritualités fondées sur la nature. Ces préjugés ne sont pas nécessaires. Le christianisme contemporain, par exemple, pourrait intégrer certaines idées du paganisme. Une autre partie du voyage consiste à réaliser à quel point la sagesse écologique a été perdue de la manière la plus brutale pendant un millier d'années, alors que les sociétés progressaient, entre guillemets, vers l'ère de la modernité impériale. Le fait de ressentir un profond chagrin face à l'effacement culturel et l'oppression violente des gardiens et gardiennes de cette sagesse fait partie du processus. Ces dernières années, j'ai rencontré de plus en plus de personnes qui ressentent un appel à se reconnecter à cette sagesse et à réparer les conséquences de l'agression et de la stupidité des institutions anti-écologiques. L'une de ces personnes m'a aidé à effectuer les recherches nécessaires à la rédaction de ce chapitre. J'ai rencontré Simona Weidkute pour la première fois à Bali en 2018. Elle avait lu mon article Deep Adaptation avec son mari Joël et son fils Oscar, et tous trois m'ont contacté pour que je vienne découvrir les cours se déroulant à la Green School, l'école verte. Lors d'une de ces visites, j'ai découvert que les écoliers et écolières étaient bien plus aptes que les adultes à réfléchir à des manières de vivre différemment du fait d'une anticipation de l'effondrement sociétal. J'ai décidé de faire un film sur cette expérience intitulé Oscar's Quest, la quête d'Oscar. Conscient du fait que la biosphère est en train de s'effondrer et que la société moderne est en sursis, Simona et sa famille ont décidé de quitter leur vie idyllique à Bali et de s'installer dans une forêt en Lituanie. Vivre une vie simple en forêt, ce n'est pas pour tout le monde, m'a-t-elle confié après avoir passé son premier hiver là-bas. Mais je me sens chez moi ici, entourée d'une nature qui m'est familière, et la création d'une communauté locale soudée qui travaille ensemble pour partager cette forêt de l'abattage prend tout son sens en cette période de rupture. Fin de citation. Simona m'a expliqué qu'une vision pré-chrétienne du monde et un lien spirituel et émotionnel avec le monde naturel n'ont jamais été complètement perdus de vue dans les États baltes. Les anciens peuples baltes mythifiaient leur environnement. Les arbres étaient souvent des demeures de dieux ou d'esprits, les oiseaux étaient associés aux dieux célestes, les animaux de la forêt et de la ferme aux dieux terrestres, et les poissons et les reptiles étaient liés à l'eau et au monde souterrain. Les Lituaniens ont été le dernier peuple en Europe à adopter le christianisme en 1387 et ont préservé au moins quelques-unes de leurs forêts sacrées, où ils adoraient leurs dieux et enterraient leurs morts jusqu'au XVIIe siècle. Selon d'anciennes chroniques chrétiennes, les Lituaniens n'osaient pas couper les arbres ou chasser dans ces forêts qui regorgeaient d'animaux sauvages ne craignant pas l'être humain. Selon Simona, des études ethnographiques ont montré que ce sens du caractère sacré de la nature dans la mentalité lituanienne n'a pas entièrement disparu avec l'adoption d'une nouvelle religion et d'autres changements sociaux. Il s'est transféré dans les contes de fées, les rites magiques, les chansons et les poèmes. Bien que Simona soit revenue pour se sentir à nouveau chez elle dans une forêt, elle s'est bientôt retrouvée étroitement impliquée dans des efforts visant à mettre fin à la déforestation. Grâce au Festival des forêts qui se tient annuellement, je cite, « nous attirons l'attention sur le pouvoir culturel de nos forêts qui devrait être aussi important que leur rôle en tant que source de bois, de conservation des sols et de gestion des bassins versants. » Fin de citation. Simona s'est sentie encouragée par la découverte des preuves que l'être humain a été une espèce clé positive dans de nombreuses régions du monde. Je cite, « il est rassurant de savoir qu'en tant qu'être humain, on peut appartenir à un lieu et l'enrichir, et pas seulement le dégrader. » Fin de citation. Ce sentiment se reflète dans le mouvement qui est en train d'émerger autour des modes de vie régénérateurs, et il se manifeste dans les livres et les différentes productions audiovisuelles sur le thème des relations régénératrices entre l'humanité et la nature. Dans son livre « Emergent », Miriam MacDonald célèbre diverses formes de permaculture, d'agroforesterie et de jardinage forestier grâce auxquels des écosystèmes cultivés peuvent régénérer les sols et profiter à l'ensemble du monde vivant. Ces idées sont une évidence pour de nombreuses communautés agricoles du Sud qui n'ont pas été détruites par les pratiques, les finances et les produits chimiques de la Révolution verte. Parmi les partisans partisanes de ces approches figurent certains et certaines des philosophes et défenseurs-défenseuses de l'environnement les plus connus de ces dernières décennies, tels que Vandana Shiva et Satish Kumar. Ils et elles soulignent l'importance de se reconnecter à nos foyers écologiques. En considérant leurs idées, je me rends compte que les personnes comme moi qui ont grandi dans les sociétés modernes ont été disloquées spatialement. Nous sommes nés de lignées qui étaient autrefois ancrées dans une terre. Se pourrait-il que nos ancêtres aient vécu avec une sagesse et des pratiques similaires à celles des peuples autochtones, à propos desquels nous commençons à mieux nous informer aujourd'hui? Si nos propres ancêtres n'ont pas vécu de cette manière, comment ont-ils et ont-elles pu continuer à prospérer et à évoluer pendant des millénaires? C'est un fait. Avant de devenir des agriculteurs et agricultrices, nous vivions de jardins sauvages. Cela signifie que nous demeurons une espèce qui a dans l'âme les jardins et les potagers. Et cela est vrai pour chacun et chacune d'entre nous. Au-delà des préjugés causés par le progrès. Lorsqu'on se rend compte des relations bénéfiques qui ont existé entre l'être humain et la nature pendant des dizaines de milliers d'années, l'idée que l'humanité est foncièrement dominatrice et destructrice semble moins convaincante. Et quand on sait que ces relations étaient intentionnelles plutôt qu'accidentelles, et que les sociétés humaines du passé avaient la sagesse de gérer leur environnement de manière durable, il devient moins facile de rejeter les cultures « entre guillemets non civilisées » du passé. Au lieu de cela, nous pouvons nous demander dans quelle mesure nos états de conscience et notre imagination se trouvent peut-être limités par nos préjugés nés de l'idéologie du progrès. Mais avant d'entrer dans les détails, il est important d'examiner les objections théoriques à une telle perspective post-progrès. La première objection s'appuie sur, entre guillemets, la parabole des tribus. Un ouvrage des années 1980 portant ce titre a lancé l'idée que l'histoire de la civilisation a été largement façonnée par une lutte inévitable pour le pouvoir entre les sociétés. L'auteur, Andrew Schmuckler, pose la question suivante. Imaginez un groupe de tribus vivant à proximité les unes des autres. Si toutes choisissent la voie de la paix, alors, toutes peuvent vivre en paix. Mais que se passe-t-il si toutes les tribus, sauf une, choisissent la paix et que cette dernière a faim d'expansion et de conquête? Dans sa parabole, il voit quatre issues possibles pour les tribus menacées. La destruction, l'absorption et la transformation, le retrait et l'imitation. Dans chacune de ces issues, les moyens de pouvoir de l'agresseur tels que sa technologie et son idéologie se répandent dans les autres tribus. Il suggère également que lorsqu'une innovation apparaît qui améliore la vie des membres d'une certaine tribu, elle augmente la capacité de celle qui l'adopte à se montrer belliqueuse avec les tribus voisines. Par conséquent, ces dernières l'adoptent pour se défendre ou se la voient imposer après la conquête. Schmuckler affirme qu'il existe une forme de sélection naturelle pour les sociétés qui adoptent des technologies qui augmentent leur pouvoir. Cette idée a conduit de nombreux chercheurs et nombreuses chercheuses à présupposer que la technologie se propageait inévitablement. Une fois qu'un groupe utilise la charrue, tout le monde utilise la charrue. Une fois qu'un groupe utilise le génie génétique, tout le monde utilise le génie génétique. Et ainsi de suite. La parabole des tribus est attrayante pour les personnes qui admirent le progrès technologique et ne veulent pas s'attarder sur les erreurs de valeur et de jugement commises par une culture colonisatrice. Elle me rappelle l'excuse des trafiquants de drogue, selon laquelle, s'ils ne répondent pas à la demande, quelqu'un d'autre le fera. Mais il y a quelque chose de plus scientifiquement problématique avec cette théorie, en ce qui concerne sa façon de considérer la préhistoire et l'histoire de l'humanité avant les conquêtes impériales et le colonialisme. Comme je l'ai expliqué précédemment, nous savons que les sociétés autochtones avaient pour philosophie de nourrir l'ensemble du vivant afin d'en bénéficier. Leur technologie découlait de cette perspective y compris la manière dont elle plantait les forêts et gérait les prairies. Nous savons également qu'elle ne considérait pas l'être humain comme séparé de la nature, de sorte que leur perspective sur l'importance de nourrir le vivant tout entier s'étendait aux relations avec les autres tribus. L'échange mutuel était important, souvent plus que le conflit. Tout écart par rapport à une approche mutualiste de leur relation avec la nature diminuerait assez rapidement le pouvoir qu'une tribu tirerait de son environnement. Nous savons aussi aujourd'hui que les structures des sociétés anciennes ont fluctué selon leur adoption de différents arrangements sociétaux et de pratiques agricoles variées, sur des périodes allant de différentes saisons de l'année à plusieurs années consécutives et au cours de plusieurs millénaires. En résumé, nous savons que les humains peuvent vivre avec une approche du pouvoir qui nécessite une collaboration avec le reste du vivant et non sa domination, et que cela a été le cas pendant la plus grande partie du temps passé par l'Homo sapiens sur Terre. Certains et certaines essayistes se sont emparés d'une théorie sur les processus biologiques et écologiques pour affirmer que les sociétés humaines qui ont accès à la plus grande quantité d'énergie obtiennent inévitablement la suprématie. Cette théorie est le principe de la puissance maximale, selon lequel les formes de vie ont tendance à rechercher la quantité maximale d'énergie. Bien qu'il s'agisse d'une théorie utile pour étudier les organismes et les écosystèmes lorsqu'elle est appliquée aux sociétés humaines, on part du principe que les humains sont séparés de l'environnement. Par conséquent, l'attention est portée sur la manière dont l'énergie est extraite de l'environnement immédiat, plutôt que sur la manière dont cet environnement peut être soutenu afin de garantir davantage d'énergie pour toutes les formes de vie au sein de l'écosystème. Au contraire, nous savons que les sociétés humaines ont eu l'intelligence, pendant des millénaires, de gérer l'énergie de l'ensemble de l'écosystème. Comme nous l'avons vu au chapitre 4 à propos de la biosphère, de nombreux et nombreuses spécialistes de la situation environnementale insoluble dans laquelle se trouve l'humanité évoquent le fait que nous avons dépassé la capacité de charge de l'environnement. Selon certains et certaines, c'était inévitable. Ils et elles considèrent que la disparition d'une population est le lot de toute espèce qui obtient soudainement l'accès à une ressource, augmentant sa capacité pendant une période limitée. De nombreuses adeptes de ce point de vue comparent volontiers l'humanité à des algues dans un étang. En automne se produit un afflux soudain d'une ressource, ou source de nourriture, non renouvelable, sous la forme de feuilles mortes qui se déversent dans leur étang. Cela entraîne une explosion de la reproduction des algues, suivie d'un dépérissement lorsque se tarit cet afflux momentané. Selon cette théorie, l'humanité a découvert l'agriculture, puis de nouvelles terres à conquérir, puis le pétrole, et ainsi de suite. Et à chaque fois, elle n'a jamais eu le choix de modérer l'exploitation de ses ressources, car il s'agissait d'une exubérance innocente qui se produit toujours dans la nature et qui conduit inévitablement à l'effondrement. Cette perspective soulève de nombreuses questions. Par exemple, est-ce que toutes les espèces se comportent comme des algues ? Les êtres humains ne sont-ils pas très différents des algues ? Et peut-on négliger les dynamiques qui ont lieu au sein des sociétés humaines et entre elles lorsque nous essayons de mieux comprendre notre situation inextricable ? Une fois que nous examinons les données à propos de ces questions, la théorie selon laquelle un effondrement était inévitable ne tient pas longtemps. Toutes les espèces n'augmentent pas leur population à un niveau tel qu'elles se trouvent décimées ou s'effondrent, même sans l'influence de prédateurs. En outre, toutes les espèces ne prolifèrent pas lorsqu'elles reçoivent un afflux de ressources non renouvelables pour ensuite disparaître lorsque la ressource est consommée. L'écureuil terrestre arctique est un exemple d'animal dont la population s'autorégule. Une étude a révélé que lorsque la densité de population est très élevée, les femelles écureuils terrestres cessent pratiquement de se reproduire, ce qui permet d'assurer leur propre survie. Lorsque les conditions s'améliorent, elles recommencent à se reproduire. Même si je mentionne ces animaux, je ne prétends pas que les humains sont comme des écureuils. Tout au long de l'histoire, les êtres humains ont interprété la nature de différentes façons, en fonction de leur culture et de leurs objectifs. C'est un choix de comparer les humains à certaines espèces et pas à d'autres, et à certains attributs de ces espèces en particulier. Et ce n'est jamais très cohérent, car il y a beaucoup d'attributs et de comportements auxquels nous ne voudrions pas nous comparer. Un bon exemple, les abeilles femelles mangent leur mâle après l'accouplement. Reconnaître que l'être humain est différent de telle ou telle espèce n'est pas nécessairement un point de vue arrogant et centré sur l'humain. Tout comme reconnaître que les écureuils terrestres de l'Arctique ne sont pas des algues ne revient pas à être centré sur l'écureuil. Il est clair que nous ne sommes ni des algues ni des écureuils. Nous disposons de formes d'intelligence, de communication et de coordination qui nous permettent de percevoir notre situation et d'y répondre de différentes façons. Affirmer que les humains ont toujours été destinés à s'effondrer, de même que des algues se multipliant dans un étang, implique qu'il n'y a pas de libre arbitre significatif au sein des individus ou des groupes humains. Après avoir lu ma discussion sur le libre arbitre relatif au chapitre 11, j'espère que vous conviendrez que nous pouvons rejeter cette perspective. Pour soutenir la perspective de l'effondrement inévitable, on doit également ignorer les preuves que j'ai évoquées dans ce chapitre sur la façon dont les gens vivaient avant les cultures expansionnistes et colonialistes des 500 dernières années. Depuis plus d'un siècle, la recherche dans ce domaine s'est trouvée aveuglée par l'hypothèse consensuelle d'un progrès linéaire aboutissant à l'agriculture et à l'urbanisation. En effet, les chercheurs et chercheuses se sont concentrés sur les sociétés urbaines passées et leurs échecs, plutôt que sur les sociétés rurales qui ont existé, survécu et engendré de nouvelles sociétés urbaines. Lorsque je mentionne ces failles dans leur argumentation, les défenseurs et défenseuses de la théorie des algues, selon laquelle l'humanité est destinée au trépas, me disent généralement que les combustibles fossiles ont tout changé et qu'ils peuvent être comparés à un afflux de feuilles dans un étang. Examinons donc cela de plus près. Les combustibles fossiles sont en effet la ressource non renouvelable la plus importante et la plus évidente qui a façonné les sociétés de consommation modernes et industrielles et leur a permis de détruire la nature et déstabiliser le climat d'une manière catastrophique. L'argument selon lequel leur découverte conduirait nécessairement à leur utilisation totale pour accroître notre population et notre consommation jusqu'à ce qu'un effondrement se produise nécessiterait qu'il n'y ait aucune preuve de leur utilisation modérée par le moindre groupe d'humains. Cependant, il existe de nombreuses preuves de l'utilisation répandue de combustibles fossiles dans le monde entier par des sociétés anciennes qui ne se sont pas industrialisées par la suite. La plus ancienne mine de charbon connue est celle de Fushan, dans le nord-est de la Chine, dont l'exploitation aurait commencé il y a 3000 ans. L'utilisation du charbon en Europe commence à être attestée à l'âge du bronze, il y a plus de 2500 ans, avec les premiers habitants et habitantes du sud du pays de Galles, qui brûlaient du charbon pour incinérer leurs morts dans le cadre d'anciennes coutumes funéraires. En l'an 100 de notre ère, des prêtres romains brûlaient le charbon britannique pour honorer Minerve, leur déesse de la sagesse et de la réussite militaire, dans la flamme perpétuelle qui lui était consacrée à Bath. À l'autre bout du monde, en Australie, les aborigènes Awabakal cuisinaient sur des feux de charbon bien avant d'être contactés par les colonisateurs européens. Leurs mythes et légendes font aussi référence au charbon, qu'ils appelaient Nikin. La région qui porte aujourd'hui le nom du lac Macquarie s'appelait d'ailleurs Nikimba, ce qui signifie « l'endroit du charbon ». Ils ont même créé des fours à charbon sur leurs canoës afin d'emporter le feu en mer lors de leurs longues campagnes de pêche. Des études datent leur utilisation du charbon à plus de 1000 ans. Il est important de noter que les aborigènes ont vécu en Australie pendant au moins 60 000 ans avant la colonisation européenne. Il est donc clair que ce n'est pas parce que l'être humain peut brûler des combustibles fossiles qu'il décidera toujours d'en brûler de plus en plus. Si l'on considère que les moteurs à combustion sont la clé du processus d'épuisement des ressources non renouvelables, alors on commence à inclure des facteurs socioculturels pour expliquer la manière dont les ressources ont été utilisées, et ce, bien sûr, de manière non soutenable. Cela signifie que nous ne discutons plus d'une simple fatalité selon laquelle une espèce cherchera toujours à maximiser sa population et sa consommation. Lorsqu'on affirme que notre espèce a toujours été destinée à causer la destruction, on doit ignorer les preuves que si certains peuples anciens ont effectivement saccagé leur environnement, ils ont ensuite tiré les leçons de cette expérience pour changer leur façon de faire. C'est pourquoi j'ai été frappée lorsque Lila June a déclaré que les Amérindiens n'ont pas toujours été aussi cool. Nous ne cessons jamais d'apprendre tant que nous ne sommes pas aveugles à ce qui se passe autour de nous. Par conséquent, quelque chose a dû se produire au cours des siècles passés, non seulement pour engendrer cette destruction massive, mais aussi pour empêcher les gens de la reconnaître et de la ressentir comme il se doit. Ce quelque chose, nous en discuterons plus en détail au chapitre suivant, et nous verrons comment les systèmes de l'argent ont créé une illusion de pouvoir et de progrès qui a dissimulé à nos yeux nos propres relations avec la nature. Les études sur l'effondrement des civilisations passées commencent à peine à échapper aux préjugés du progrès, dans la manière dont elles considèrent les sociétés passées et ce qu'on peut en apprendre pour les problèmes de notre temps. Selon la plupart des chercheurs et chercheuses, les civilisations passées ont fini par s'effondrer en raison du dépassement inévitable des capacités de charge de leur environnement, déterminées par les ressources disponibles. Cette croyance en un effondrement prédestiné les conduit à différentes spéculations, créatives au demeurant, sur la condition humaine, comme le fait que les humains ne seraient pas biologiquement dotés de la capacité d'envisager l'avenir correctement. Mais lorsque nous dépassons le préjugé du progrès, nous pouvons commencer à voir que nous autres humains ne sommes pas des êtres foncièrement destructeurs, devant être contrôlés pour notre propre bien. Dans l'introduction, j'ai décrit comment la philosophie pré-bouddhiste a une vision positive de la nature originelle de l'humanité, qui précède les illusions de la culture ou les blessures émotionnelles. Le fait que cette perspective soit accessible par l'expérience individuelle et qu'elle ne relève pas simplement d'une transmission assurée par des personnes faisant autorité ou par la tradition, donne à penser que d'anciennes philosophies dans d'autres parties du monde ont pu avoir un point de vue similaire, mais que ces enseignements n'ont pas été mis par écrit ou préservés au sein d'une lignée religieuse. Au-delà des préjugés sur le progrès, nous pouvons également commencer à comprendre que la destruction écologique n'était pas inévitable et qu'il est utile d'étudier comment les erreurs de l'histoire humaine ont conduit à la destruction passée et à la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce faisant, nous pouvons découvrir comment éviter d'agir à partir des mêmes bases que celles qui ont causé cette situation. Échapper à l'idéologie du progrès est un processus difficile qui demande une attention soutenue. Lorsqu'on tire des enseignements des sociétés anciennes et des cultures autochtones et qu'on les propose comme source d'inspiration pour envisager l'avenir des sociétés modernes, certaines vérités fondamentales qui sont difficiles à intégrer dans notre mode de vie actuel peuvent être perdues ou distordues. Nous ne pourrons pas échapper à l'effondrement en cours par un enthousiasme renouvelé pour notre propre indigénéité. Chapitre 12. Par ailleurs, reconnaître la sagesse des sociétés anciennes et autochtones et la destruction causée par la modernité impériale ne signifie pas que nous devons rejeter tout ce que la modernité a apporté à l'humanité. Nous pouvons plutôt chercher à devenir plus conscients et conscientes des manières dont la culture moderne limite notre pensée. Le professeur Robin Wall Kimmerer décrit bien la situation. Elle est membre de la tribu Citizen Potawatomi Nation et a écrit un best-seller sur les connaissances autochtones. Selon elle, je cite, « Le savoir indigène et la science occidentale sont tous deux de puissants moyens de connaissance. En les utilisant ensemble, nous pouvons imaginer une relation plus juste et plus joyeuse avec la Terre. » Fin de citation. C'est en conservant cette curiosité et cette positivité, tout en reconnaissant les véritables horreurs de la modernité impériale, que l'on peut trouver la sagesse. La tâche n'est pas simple. Lorsque je discute avec des personnes qui anticipent l'effondrement de la société, je ressens parfois chez elle une aversion à l'idée que des erreurs ont été commises et qu'il faut donc identifier les fautes. Il faudrait, disent-elles, éviter de provoquer des sentiments de honte ou de culpabilité ou contribuer à de tels ressentis. Certaines de ces personnes se sont senties libérées de ces sentiments douloureux après avoir pris connaissance des théories du dépassement inévitable, de la parabole des tribus ou du principe de la puissance maximale. Selon certains partisans et certaines partisanes de ces théories, ces idées pourraient même contribuer à éviter un trop grand ressentiment. Mais c'est oublier qu'en se lavant les mains de tout jugement de valeur sur les destructions passées ou présentes, on peut en fait attiser le ressentiment de la majorité des habitants et habitantes de la planète qui en subissent les conséquences. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, prendre conscience de nos réactions affectives et ne pas se laisser guider instinctivement par une aversion émotionnelle permet d'atteindre une sagesse critique. Pour reprendre les termes de Vanessa Machado de Oliveira, pour nous qui vivons dans des cultures impériales modernes, nous devrions être plus nombreux et nombreuses à saisir notre courage à deux mains et prendre le temps de, je cite, « composter notre merde », plutôt que de nous précipiter vers un récit et des sentiments plus agréables à propos de la situation mondiale. Comme je l'ai mentionné dans l'introduction de ce livre, les cultures patriarcales ont promu l'idée que la honte et le blâme sont des affects qui ont leur raison d'être, tout comme l'idée qu'il vaut mieux éviter les émotions gênantes. Au contraire, l'acceptation et le pardon préalable envers nous-mêmes et les autres nous permettent d'être plus ouverts et ouvertes à toute cause potentielle de situation préjudiciable. Par conséquent, nous n'avons pas à avoir honte que la culture moderne impériale dans laquelle nous avons appris à être humains et humaines soit coupable à la fois de génocide et d'écocide, comme le sont tant de nos façons de travailler et de consommer aujourd'hui. Au contraire, nous pouvons être témoins de cette probabilité, l'accepter et décider de la manière dont nous allons vivre à partir de maintenant, accompagnés de cette nouvelle prise de conscience. Je suis d'avis que la négativité à l'égard de la nature humaine qui s'incarne dans les récits selon lesquels les humains sont intrinsèquement destructeurs, est liée à une négativité à l'égard de la vie en général. Cette dernière résulte d'une peur accrue de ne pas être en sécurité, qui découle d'une expérience limitée de la vie, en tant qu'individu purement séparé et en concurrence avec autrui et le monde dans son ensemble. Dans le chapitre suivant, je soutiendrai que cette perspective a été répandue et intensifiée au cours des siècles par les systèmes monétaires expansionnistes. Par conséquent, ce n'est pas l'expression du libre arbitre des humains qui a conduit à l'écocide et à toute cette destruction, mais une manipulation systématique de nos esprits. Lorsque je discute de ces questions, certaines personnes, curieuses de théories philosophiques, se demandent s'il existe vraiment le moindre libre arbitre. Si ce dernier n'existe pas, alors on peut à nouveau se sentir à l'abri de tout sentiment de culpabilité ou de honte, au cas où notre culture ait façonné notre capacité et notre aversion pour de tels sentiments. C'est pourquoi, au cours des quelques années de recherche que j'ai consacrées à l'écriture de ce livre, de telles discussions m'ont amené à faire un long détour par la question du libre arbitre. Au chapitre 11, j'expliquerai pourquoi je pense qu'il est utile de reconnaître qu'il existe un libre arbitre relatif, qu'il est nécessaire dans la nature, qu'il est donc également nécessaire pour les humains, et que notre libre arbitre n'a pas rendu l'écocide inévitable. Si on ne réalise pas que la distorsion du libre arbitre est à l'origine de la systématisation de cette destruction et de son ampleur gigantesque, nos dirigeants et dirigeantes peuvent devenir nuisibles du fait de leur tentative d'influencer la direction que prennent nos sociétés dans cette nouvelle ère d'effondrement.